Un extrait du troisième quatuor à cordes de Régis Campo, qui était joué ici par les membres du quatuor Diotima. On assistera ce soir à la deuxième représentation de ce qui était samedi une création mondiale à l'Opéra National du Rhin à Strasbourg. Key West de Bernard-Marie Coltès, porté à l'Opéra donc par vous, Régis Campo. Bonjour. Bonjour. C'est un sacré truc de voir Coltès à l'Opéra, parce que ça fait des années que plein de compositeurs ont voulu mettre en musique aussi bien Roberto Zucco que d'autres pièces, et ça s'est jamais fait. Et là, enfin, ça arrive, c'est un petit peu miraculeux. Hein. Oui, c'est tombé du ciel en fait. C'est une proposition des deux directeurs d'opéra, Marc Lehmer de l'Opéra National du Rhin et Peter Taylor de le Stadtopéra de Nuremberg, qui m'ont proposé une coproduction. Voilà, pour écrire Key West. D'accord. Alors, ce sera d'abord en français, bien sûr, en France, et en français aussi en Allemagne, où vous traduisez? Oui, mais alors c'est vraiment étrange parce qu'ils m'ont dit, on va le donner en France, à Strasbourg en français et à Mulhouse. Mmh. Et à Nuremberg, en janvier, on va le faire en allemand. D'accord. Donc il vous a fallu écrire deux opéras quasiment, ou deux parties vocales? Oui, c'est-à-dire que, eh bien en fait, pendant qu'en ce moment même nous donnons l'opéra à Strasbourg en français, on travaille à un livret en allemand. Puisque l'œuvre sera jouée en janvier de l'année prochaine, en 2015, à Nuremberg, en langue allemande. D'accord. Key West, si je me souviens bien, ça se passe aux États-Unis, à New York même. Hein, c'est une question de lieu beaucoup, hein, dans un port. Mmh. Et ce lieu-là, et on suppose donc le décor, est presque aussi important que l'intrigue et les personnages. Exactement. Je pense que c'est aussi lié à beaucoup de cinéastes de cette époque, mais aussi aujourd'hui, je pense à Lynch, par exemple, David Lynch, qui commence à faire un film avec un lieu. Et d'ailleurs, les titres de ces films sont des lieux. Et c'est la même chose avec Key West. Bernard-Marie Coltès a tout de suite pensé au lieu. Il s'est dit, je ne sais pas quelle histoire, peut-être des personnages, mais le lieu, c'est déjà un personnage. Mmh. Qu'il a connu, évidemment. C'est un lieu très étrange, hein, underground, et où il faisait des rencontres la nuit. Un peu interlope. Voilà, complètement. C'est ça. Complètement. Vous êtes allé visiter ce lieu d'ailleurs? Ah non, parce qu'en fait il a été détruit à la fin des années 80, je crois. Mais c'est la force du théâtre, c'est que la manière dont il a écrit sa pièce, on voit le lieu, et justement avec notre opéra, on a essayé de le transcrire visuellement. Comme au théâtre, évidemment, mais aussi musicalement. C'est ça, il y a un espace qui se recrée. Par la musique. C'est une langue très musicale, bien sûr, celle de Bernard-Marie Coltès. Hein. Au combien est-ce qu'il était musicien lui-même? Il était musicien. Ouais. Au départ, il voulait même composer. C'est pas vrai. Oui, mais je connais beaucoup d'écrivains, d'ailleurs, qui ont le fantasme. Je pense aussi à Pascal Quignard, d'ailleurs. Je crois qu'il a... Alors, il jouait de l'orgue. Et il avait deux compositeurs favoris. C'était évidemment Bach. Mais aussi Bob Marley. D'accord. Voilà. Qui joue à l'orgue, peut-être. Peut-être. Je préfère pas imaginer le. Mais voilà. Donc, c'était une base, si vous voulez, d'accord, pour lui. Ah, je ne sais pas que Bernard-Marie Coltès était organiste, comme ça donne une idée aussi de l'espace, parce que son théâtre, c'est un théâtre d'espace, beaucoup et de profondeur. Oui, mais alors, il y a plein, je dirais, pas de contradictions, mais de choses cachées chez lui. Il aimait aussi bien, je suppose, par exemple, certains films de Pasolini, mais aussi des films de Bruce Lee. C'est pour ça que dans cette pièce, un des personnages était comme Bruce Lee. Et c'est un pour lui, c'est normal. Ah ouais. Est-ce qu'il y a un chœur dans ce Key West de Régis Campo? Oui. Alors, il y a un chœur, c'est l'idée de Peter Taylor, le directeur de l'opéra de Nuremberg. Mais c'est un chœur qui représente le lieu. Donc, c'est comme une trame sonore. Ouais. Et là encore, j'ai pensé à Ligeti dans 2001 de l'Odyssée de l'espace, où on voit ce fameux monolithe noir et on entend cette trame. Ah ouais. Ça, c'est une idée géniale de Kubrick, d'avoir pris cette trame un peu liturgique. Et à la fin, le chœur est vraiment liturgique, puisque c'est une sorte de chant orthodoxe étrange qui termine l'opéra. On va entendre quelque chose qui n'est pas du chant orthodoxe. Un psaume que vous avez composé, vous, Régis Campo. Thank you. Le Laudate Dominum de Régis Campo était chanté ici par les membres du Chœur Arcis Bourgogne, dirigé par Pierre Cao. À voir donc de Régis Campo à l'Opéra du Rhin pour deux représentations encore, la prochaine et ce soir. Quai Ouest d'après Bernard-Marie Coltest. Après, vous serez à Mulhouse le 10 octobre à la Filature. J'aimerais qu'on parle un peu avec vous, Régis, peut-être de cinéma, parce que nous, Bernard-Marie Coltest, c'est évidemment très lié à l'idée du théâtre, mais il était lui-même fou de cinéma. J'ai l'impression que c'est votre cas, parce que depuis tout à l'heure, les références s'enchaînent. Hein. Oui. Oui, je suis très cinéphile, mais un peu comme tout, enfin, j'allais dire comme tout le monde. Bah non, justement, pas. Non. Non, mais quand on est cinéphile, on pense que tout le monde l'est. Oui, c'est ça. Et mélomane aussi, bon, etc. Oui, ça m'a beaucoup aidé. J'ai certaines scènes où je butais, je trouvais pas le personnage. Et Christian Frédéric, qui est mon metteur en scène et qui a adapté la pièce, qui a fait le livret avec Florence Doublet, m'a dit, mais tu sais, cette scène avec ce personnage qui s'appelle Rodolphe, c'est un vétéran de la... peut-être de... je ne sais plus quelle guerre. Et il m'a dit, mais c'est Marlon Brando dans Apocalypse Now. Du coup, quand on se plonge dans ces grands films et qu'on écoute les phrasés des grands acteurs comme Marlon Brando ou même le Shutter Island, un des derniers Scorsese où on voit le début du film, si l'on écoute le phrasé, la bande son, les bruits, la musique qui se mélange au son, qui en plus un film complètement halluciné, ça m'a beaucoup aidé en fait, ça m'a encouragé. Non pas que l'opéra doit être le cinéma, puisque nous sommes à l'opéra, ce qui est encore mieux, c'est que nous sommes en trois dimensions, vraiment. Avec des vrais gens. Et en temps réel, avec des vrais gens et sans micro. Mmh. Ça, c'est très important. Mais pourquoi pas s'inspirer de notre époque, absolument, et de voir comment l'oreille d'un grand réalisateur voit une dramaturgie. Donc la musique est de Régis Campo, les ambiances de Martin Scorsese. Oui. On peut dire les choses comme ça. Oui, si on veut. Alors, grand nombre, vous en avez dans la distribution, parce que c'est beaucoup de beau monde, c'est un des problèmes lorsqu'on fait de l'opéra à création, c'est d'avoir des chanteurs qui ne seront pas seulement des chanteurs faits à la musique contemporaine, mais de vrais, on va dire, Mireille Delage, Paul Gay, Marie-Ange Todorovitch, Julien Imbert ou Fabrice Di Falco, c'est du très beau monde. Hein. Ah oui, là c'est formidable pour moi. Et Mireille, donc c'est la première fois que je travaillais avec elle. Donc on s'est rencontrés. Avec tous ces grands chanteurs, je les ai rencontrés. J'ai beaucoup discuté avec eux. Il y a Marie-Ange Todorovitch aussi, la mezzo-soprane qui est formidable, qui fait beaucoup de créations, comme Fabrice Di Falco d'ailleurs. Et qui sont tous en plus de très bons acteurs, pas seulement des bons chanteurs, mais des comédiens. Quoi. Julien Bert aussi, il a une voix incroyable, mais une présence, qui joue un rôle d'une sorte de loupard. On lui a dit justement, tu sais, tu es comme Al Pacino dans les premiers films, quand il est tout jeune, avec son petit manteau de cuir et qui veut faire le malin, mais il est perdu dans ce lieu étrange. Et tout de suite, il a compris le personnage un peu rock, justement. D'accord. Et c'est vraiment un opéra cinéma que vous nous faites là, vous n'en sortez pas. Oui, on fait son. Mais de toute façon, les compositeurs font leur cinéma tout le temps. C'est ça, oui. Ils en rajoutent. C'est votre deuxième, en fait, œuvre lyrique, si je ne me trompe pas, Régis Campo. Il y avait eu un copie avant. Hein. Oui. Ah oui. Ça vous a servi un peu ou le projet est tellement différent? Parce qu'on se dit, entre l'univers de Copie et celui de Bernard-Marie Coltès, ça rend pas le même monde. Hein. Ça m'a servi énormément. Parce que... Alors, il y avait déjà Fabrice Di Falco. Le travail avec les chanteurs, avec le metteur en scène. Puisque ce qui est important, c'est l'opéra, c'est vraiment un travail d'équipe. On ajuste, la partition n'est jamais figée, on coupe. C'est vraiment un travail très artisanal. Et puis, j'ai attendu bien 3-4 ans pour trouver pour aller à la rencontre d'un grand livret, justement, une grande histoire, et un grand auteur, justement, français. À voir donc Quai Ouest de Régis Campo à l'Opéra du Rhin, et puis à écouter le dernier disque monographique paru sous votre nom, Régis, Laterna Magica, c'est paru il y a quelque temps, il y a plein de choses dedans, de quoi, musique de chambre, mélodie, orchestre, c'est ça, un grand mélange. Ah oui, un grand mélange, comme on dit dans les classes d'harmonie, de contrepoint. Le grand mélange, c'est quand on mélange tout. C'est ça, on mélange tous les styles et toutes les manières d'écrire. Ainsi, une ouverture en forme d'étoile. De quelle étoile? Façon pulsar ou façon soleil? Façon quasar? Un peu de tout. Peut-être les stars hollywoodiennes, je ne sais pas. Ah, c'est ça, déjà, encore le cinéma. On n'en sort pas. On s'y croit. On s'y croit. Merci Régis Campo. C'est moi. les dernières mesures de cette ouverture en forme d'étoile de Régis Campo. C'était sur ce disque intitulé Laterna Magica. Il vient tout juste de paraître. Et on entendait ici l'orchestre de chambre Pelléas se diriger par Benjamin Lévy. Quant à Key West, d'après Bernard-Marie Coltès, c'est toujours visible à Strasbourg, encore pour deux représentations.